L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Attitude à double face d'une puissance européenne pour le problème de la sécurité ». Elle a écrit « Certaines informations disent que l'Assemblée fédérale de l'Allemagne a examiné le problème de la possession en commun de la dissuasion nucléaire par l'Europe et qu'elle est arrivée à conclure que c'est possible du point de vue juridique ». La revue internet polonaise Ruprost a cité le 6 juillet une information d'une presse américaine pour rapporter que l'Assemblée fédérale de l'Allemagne a examiné le problème de la possession en commun de la dissuasion nucléaire par les pays européens par la méthode de louer en payant de l'argent l'arme nucléaire de la France ou de la Grande-Bretagne, détenteurs des armes nucléaires, et qu'en conclusion, elle a estimé légitime et bien possible au cas de l'adoption de la loi correspondante. Si cela est vrai, on doit voir que l'Allemagne reconnaît bien que tard que l'Europe doit défendre elle-même sa sécurité et que la meilleure garantie de la sécurité est la possession de la dissuasion nucléaire. Dans une conférence le 9 juin, le président du comité de l'Union européenne a prétendu qu'on ne peut plus confier la défense européenne à l'étranger et exprimé l'intention de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis et d'intensifier la capacité de défense autonome de l'Union européenne. Le 7 juin, le comité de l'Union européenne a publié le plan d'établissement du Fonds pour la défense européenne. Le problème est que l'Allemagne, si intéressée à sa sécurité, nous met en cause souvent sans regarder obstinément à l'inévitabilité de la possession et du renforcement des forces armées nucléaires d'autrui. Si elle s'intéresse au problème de la paix et de la sécurité du monde, elle doit exiger des États-Unis de renoncer à la politique d'hostilité à l'égard de la Corée et à la menace nucléaire au lieu de mettre en cause la dissuasion nucléaire d'autrui.